vous remercie de m'avoir invité. Il est difficile de se commenter soi-même. Je ne sais pas dans quelle mesure tout le monde a pris connaissance de ce que j'ai pu écrire. Donc, ça fait quatre pages. Je voudrais faire quelques réflexions préliminaires pour dire pourquoi j'en suis venu à cette entrée, puisque on est aujourd'hui, l'ordre du jour, c'est une entrée de dictionnaire. Donc c'est en tant que sociologue que j'ai travaillé, que je me suis intéressé à cette question-là, mais pas spécifiquement comme sociologue des religions, parce que je ne suis pas connu comme tel, je suis rentré un peu par effraction, par une fenêtre là-dedans. En effet, c'est à partir de la sociologie de la philosophie que j'ai pu m'intéresser à ce type de sujet. D'où certainement un certain nombre de points aveugles dans ce que j'ai pu faire, dans ce que j'ai pu écrire, que je concède volontiers. Alors, ce qui m'avait intéressé justement, mais je ne vais pas en parler en détail ici, ce n'est pas l'objet, mais enfin, ce qui m'avait intéressé en particulier chez Lévinas, que rien ne me prédisposait particulièrement à étudier, c'était, alors d'une part, dans le panorama général de la philosophie française des années 60, c'est une figure évidemment qui a émergé un peu tardivement, c'est-à-dire au fond dans les années 80. Donc comment était-il possible dans ce paysage qui n'était pas évidemment fait pour lui? Il a eu une carrière très intéressante à analyser d'un point de vue sociologique, et très en porte-à-faux, c'est-à-dire au moment où il publie sa thèse, il arrive comme une espèce de tarvenu de l'existentialisme, et puis entre-temps les gens font autre chose, notamment s'intéressent au structuralisme, à Foucault, etc. Il obtient un poste finalement à l'université, sur le tard, et puis cet homme va bénéficier d'une espèce de reconnaissance, enfin arrivé, mais vraiment sur... de sa retraite, donc jamais trop tard. Je pense qu'on ne peut pas analyser le type d'activité intellectuelle et philosophique de Lévinas sans se reporter à cette caractère atypique de cette trajectoire. Alors, de ce point de vue-là, il serait intéressant de le mettre en série avec... des gens qui n'ont rien à voir, enfin comme Elias, comme Philippe Ariès, etc., qui sont aussi des tares consacrés. Donc une question qui m'avait semblé intéressante, c'est comment se fait-il que l'identité juive devienne possible dans le champ intellectuel? Comment cette identité qui n'existait pas spécifiquement en tant que telle, sinon un peu, pour la première fois, elle dispose d'un penseur qui peut se présenter un peu comme son représentant, même avec toutes les réserves possibles, puisqu'on peut toujours se demander s'il n'y en a pas d'autres, si c'est la seule issue, c'est dans quelle mesure cette pensée est une pensée authentiquement juive, etc. C'est pour ça que j'ai consacré pas mal d'analyse à cette question de trajectoire, mais aussi à la question de la réception de Lévinas. Et j'ai travaillé d'une manière, méthodologiquement, je ne pouvais pas faire autrement, c'est-à-dire séparer l'univers religieux et puis l'univers intellectuel. Quand on voit l'espace des interlocuteurs de Lévinas, c'est tout à fait un défi, puisqu'il y aura eu le pape Jean-Paul II, cardinal Wojtyla, mais aussi Maurice Blanchot, mais aussi Paul Ricoeur, etc., etc. Donc, tous ces gens-là, tous ces lecteurs, ont compté dans son œuvre et dans le regard qu'il pouvait avoir sur cette œuvre. Dans ce livre que j'ai publié sur la religion intellectuelle, il n'y avait pas seulement Lévinas. J'ai utilisé deux autres auteurs, deux études qui avaient paru antérieurement. Donc, je n'avais pas à l'époque l'idée de cette notion de religion intellectuelle, mais le rapprochement, sur le conseil d'ailleurs du directeur. directeur de collection s'est fait, et ça m'a semblé tout à fait pertinent, de mettre Herman Cohen, d'une part, et d'autre part, Jules Lachelier. En plus, ça permettait de casser un peu l'effet penseur juif, etc. Ce n'était pas un effet auquel je tenais spécialement. Et je crois que ce rapprochement, ces rapprochements n'étaient pas absurdes, même si, bien entendu, il ne s'agit pas de les confondre les uns avec les autres. Bon, voilà, et puis on vit aussi dans une atmosphère dominée par la postmodernité, et il m'a semblé, à tort ou à raison, que par bien des aspects, la production intellectuelle et notamment philosophique actuelle a certains aspects de religiosité, on pourra y revenir si vous voulez. En tout cas, c'est une question qui est redébattue dans une perspective un peu post-moderne. Même des livres comme ceux de Bouvresse autour de l'éthique de la croyance, etc., font évidemment référence à ces questions-là. Bien. Alors, pour la méthode, simplement quelques réflexions. C'est que je m'abstiens, en général, de traiter les significations d'une manière substantielle, c'est-à-dire quand j'ai un terme comme autrui ou comme juif, etc., je ne prétends pas avoir la bonne définition, être l'herméneute privilégié. Je ne me constitue pas moi-même, évidemment, en penseur religieux. Ce que j'essaye de faire, c'est quoi ? C'est faire cette espèce de travail d'élucidation structurale qui fait que, pour un regard sociologique, les significations valent toujours par contraste. Alors, illustration, les termes dont il a été question de éthique ou de autrui. Je n'ai pas une philosophie de l'éthique ou une philosophie d'autrui à proposer ou à penser que tel auteur est supérieur à tel autre. Simplement, ce que je peux considérer, c'est qu'il y a une famille d'auteurs qui s'est intéressée à cette question-là, et de ce point de vue-là, évidemment, Lévinas n'est pas le seul. Donc c'est apparu dans les années 30. Je crois que historiquement, le rôle de la théologie protestante a été absolument déterminant, puisqu'il a contribué à substituer un modèle qui était le modèle de l'appel ou de l'invocation à un modèle néo-thomiste qui était plutôt de type scientifique, entre guillemets. Cette coupure me semble absolument décisive, et il me paraît que l'on peut inscrire parfaitement Lévinas là-dedans. Lévinas pour qui, à l'époque, dans les années 30, ce n'était peut-être pas le problème majeur, puisque c'était un philosophe et que son problème c'était Léon Brunswick ou Bergson ou Durkheim. Alors, quel a été son premier amour philosophique? Ça a été Bergson. Alors, la question que je me suis posée, c'est est-ce qu'on ne peut pas ensuite utiliser les systèmes d'opposition mobilisés autour de Bergson pour les transposer au fur et à mesure que le champ philosophique se transforme, notamment du fait de l'introduction de la phénoménologie. Et de ce point de vue-là, on peut dire que, incontestablement, Husserl prend la place de Bergson, de même que Heidegger va s'inscrire. Il y a des déclarations extraordinaires, d'ailleurs, de Lévinas, qui dit « Je suis allé en Allemagne écouter Husserl, et je suis revenu avec Heidegger, c'était quand même beaucoup plus excitant, etc. Enfin, » Alors, il en va de même pour l'éthique, par exemple. Il en va de même pour l'éthique, et l'éthique n'a de sens que par opposition à au terme auquel elle s'oppose. Donc, notamment, je pense à la science. Éthique et science font système. Voilà. Alors, autre chose, c'est un point que vous avez abordé dans votre exposé, le problème des significations profane, c'est-à-dire par exemple profane et savante et ésotérique, par exemple le visage, autrui, etc. Alors on peut dire oui, non, évidemment Lévinas n'a rien à voir avec cette espèce de pensée un peu nièvre, quoi, sur autrui. C'est ce que disait Derrida d'ailleurs, vous savez, on vous embête, tout ça. Lévinas est beaucoup mieux qu'une pensée sur autrui qui consiste simplement à rappeler devoir, etc. Effectivement, alors je crois qu'il peut y avoir une double lecture, et chez beaucoup de penseurs, enfin, doubles lectures qui sont possibles, c'est une lecture ésotérique, une lecture exotérique. Il serait hâtif d'exclure l'une au profit de l'autre. Le terme éthique, au fond, aurait certainement deux sens, c'est-à-dire un sens exotérique, c'est la morale, c'est ce qu'on fait par sa conduite envers autrui. Et puis un sens beaucoup plus raffiné, où là, il y a un petit nombre de gens qui sont invités à la conférence, avec Derrida, Jean-Luc Marion, qui vous voulez, c'est-à-dire des gens qui disent « attention, éthique, c'est pas simplement ça, c'est la transcendance, c'est la différence, l'altérité, etc. etc. » Donc une forme de dépassement subtil et supérieur dans la pensée philosophique. Bon, moi, je n'ai pas à prendre comme observateur, sociologue, je n'ai pas à prendre parti en disant le vrai Lévinas c'est ceci. Je pense que les deux tiennent ensemble, et que quand un philosophe utilise un mot qui a un sens dans le langage profane, même s'il dit que attention, lui, il l'utilise d'une manière très technique, bon, quand même. De ce point de vue-là, je pense que il y a des réflexions très intéressantes dans le livre de Bourdieu sur Heidegger, où il y a aussi cette question de Fürsorge, Sorge, etc. Bon, alors le souci heideggerien, ça n'a rien à voir avec la sécurité sociale, mais en même temps, dans la langue allemande, on ne pouvait pas manquer de faire des rapprochements, signification profane, signification savante, bon, tout ça se combine. Bon, alors, très, très rapidement, ce que j'ai raconté dans ce projet d'article, c'est qu'il y a des raisons de s'intéresser à la religion intellectuelle comme religion produite par des intellectuels, c'est-à-dire des individus qui ont des intérêts spécifiques. Et j'ai trouvé, d'où le titre d'ailleurs, religion intellectuelle, j'étais à la recherche d'un titre, je l'ai trouvé chez Pascal. Tout simplement, parce que Pascal dit, il ne dit pas religion intellectuelle, mais il dit qu'une religion proprement intellectuelle ne s'adresserait qu'à des savants, etc., et que le christianisme, de ce point de vue-là, et Pascal aborde parfaitement cette question des doubles ententes, le christianisme à la fois s'adresse aux habiles, et en même temps, il s'adresse au peuple. Hein, c'est, selon lui, sa grande réussite. Bon. Donc moi, ce qui m'a intéressé, c'est cette religion purement intellectuelle, qui, en tant que religion, produite par des lettrés, des groupes lettrés. Chez Weber, dont je me suis beaucoup servi, on trouve l'idée que les intellectuels interviennent dans le domaine religieux à deux titres. D'une part, par un travail de mise en forme, c'est-à-dire par une certaine manière de résoudre des problèmes. Une dimension qu'on peut appeler formelle ou formaliste. Et puis, d'autre part, une dimension en quelque sorte existentielle, c'est-à-dire qu'ils mettent en avant les problèmes qui les intéressent, qui sont des problèmes d'interprétation du sens du monde. Voilà. Je me suis. On peut dire, ça paraît assez évident, donc on peut, à l'intérieur du christianisme, du judaïsme, etc., s'intéresser à la religiosité de groupes spécifiques qui seraient des groupes d'intellectuels. On peut donc faire ce programme de travail. Mais ce n'est pas exactement ça ce qui m'a intéressé. Je me suis demandé si on ne pouvait pas entendre par religion intellectuelle quelque chose qui serait de l'ordre de l'affinité entre certains types de pratiques intellectuelles et certains types de dispositions religieuses. Il n'y a pas des affinités souterraines, au fond, plus profondes. On peut argumenter alors d'une manière proprement intrinsèque, c'est-à-dire en se demandant si le simple fait de se détourner des activités prosaïques, etc., n'a pas quelque chose qui prédispose vous savez, ça se voit dans les fantasmes d'intellectuels qui disent qu'ils aimeraient bien se retirer dans un monastère pour réussir à finir un travail, etc. Est-ce qu'on ne peut pas pousser les analogies un peu plus loin? Est-ce qu'il n'y a pas des affinités de rapport au monde, etc. C'est une question qui mérite d'être posée. D'autre part, historiquement, il y a eu dans l'histoire au moins de l'Europe, après le mouvement des Lumières, un mouvement de réaction qui a conduit poser un domaine mystérieux qui échapperait à la raison, qui échapperait à la science, et qui serait accessible à certains types de raisonnements, de pensées qui peuvent être de l'ordre de la littérature, etc. Enfin, bon. Bon, alors je précise tout de suite que dans cette hypothèse, le rôle du sociologue n'est pas de faire du déchiffrement de textes en disant « oui, on retrouve des contenus chrétiens dans telle ou telle production d'intellectuels », mais c'est tout simplement de voir s'il n'y a pas des systèmes de circulation, des problèmes d'analyse de trajectoire. Bon, qui analyse aujourd'hui la trajectoire de Georges Bataille ne devrait pas ignorer quand même le fond religieux dans lequel il a vécu, etc., ce qui pose des problèmes pour l'interprétation de son athéisme, entre guillemets, de son rapport au sacré, qu'est-ce que c'est que ce sacré athée, etc., de Bataille, dans quelle mesure il a sublimé ça, enfin bon, toutes questions qui se posent, ainsi que les questions traditionnelles de circulation des discours, c'est-à-dire qui ça a pu intéresser, qui pouvait adhérer à ça, ou qui, inversement, ce qui est une question qui est souvent oubliée, était absolument réticent à ce genre de choses. Hein, les non-lecteurs actifs sont aussi importants que les lecteurs actifs. Hein, c'est pas bien. Voilà. Bon. Voilà, alors, donc, ce qui me conduit à établir, au moins méthodologiquement, une distinction entre trois niveaux. Je dis qu'on peut parler de religion intellectuelle à l'intérieur d'une religion révélée, pour parler de la contribution que certains vont y faire, mais dans les limites de cette religion. C'est le cas, évidemment, de quelqu'un comme Saint-Augustin, qui, en plus, perd de l'Église, ce qui n'est pas exactement le cas de Pascal, mais on peut, de ce point de vue-là, me semble-t-il, les mettre dans le même lot, donc des penseurs qui se revendiquent comme des penseurs d'une religion déterminée. Bon, ensuite, vous avez la religiosité libre, en quelque sorte, c'est-à-dire des gens qui tiennent un discours autonome de type philosophique sur Dieu, le sacré, etc., mais sans se revendiquer d'une religion déterminée. Je pense donc à Rousseau ou Kant dans la religion dans les limites de la simple raison. Et enfin, alors d'une manière plus large, et c'est ça ce qui m'a le plus intéressé, c'est des dispositions de type religieux qui peuvent s'exprimer sous des formes inaperçues, et par exemple dans le domaine littéraire. Et alors je pense que, en particulier en France, donc je ne m'avancerai pas trop, mais je pense que c'est vrai particulièrement pour la France, depuis les années 60, il y a eu un événement considérable qui est aussi important que le tournant théologique de la phénoménologie, enfin c'est le rapprochement entre philosophie et littérature, parce que cela a rendu possible des formes de discours libres, qui ne relève pas véritablement de l'argumentation philosophique, tout en permettant de dire un certain nombre de choses. Et je pense à cette double filiation Blanchot-Bataille, qui pour moi figure un peu comme des emblèmes de cette religiosité intellectuelle, comme deux modalités principales, une modalité plus intellectualiste dans le cas de Maurice Blanchot, où c'est le discours de la... un discours très, très exigeant, le refus des significations profanes, etc., le refus de la facilité, mais aussi un appel à l'invocation, enfin, en quelque sorte paradoxale, de l'essentiel, mais aussi de l'absence, puisque cet essentiel est tellement essentiel qu'il se recule toujours, et qu'il se donne dans le mode de la, quelque sorte de l'absence, de ce qui n'est pas encore, de ce qui est encore à penser, etc. Bon, et par opposition, effectivement, bataille qui, au contraire, relève d'une tradition qu'on peut appeler dionysiaque, dans laquelle il y a une évocation de la plénitude, de la jouissance, etc., même si c'est une jouissance hautement élaborée. Voilà. Alors, il est intéressant de savoir aussi que les deux étaient très liés l'un à l'autre. Blanchot et Bataille étaient des carrières, en quelque sorte, croisées, que écrire l'histoire de l'un, enfin, c'est la biographie de l'un, c'est écrire quasiment la biographie.